mon manteau de nostalgie. J'ai recherché tous les sentiers de ma lointaine adolescence, soif de retour sur mon passé. Comme autrefois lors des jeudis, au cœur de ma garrigue en fleurs, l'esprit ravi, je suis parti. J'ai retrouvé toutes les senteurs du printemps en effervescence, mon Languedoc ensoleillé qui fait de l'œil à la Provence. Dans mon manteau de nostalgie, sur la pierre si bien polie, par le vent et les longues pluies, longtemps je suis resté assis. J'ai regardé les butineuses piller les fleurs du mois de mai, la lavande et le romarin, effleurant le fin serpolé avant de filer comme un trait vers le château au toit penché pour y poser les perles d'or. Dans mon manteau de nostalgie, les souvenirs m'ont assailli comme un flot longtemps retenu, donnant vie aux lointains oublis. Le vieux figuier tout rabougri et le mur de pierre sèche, la cabane est-elle démolie? Et la source douce et jolie que je n'ai jamais vue tarie est-elle enfouie à tout jamais sous quelques mauvais ébolis? Dans mon manteau de nostalgie, fébrile, émue et attendrie, j'ai écarté tout doucement la ronce et le genévrier. Découvrant le mur et la vigne où l'arbousier s'était marié avec le cep abandonné, la cabane a perdu son toit, le figuier est un vrai fouillis, et les perdreaux pour s'abreuver ont cheminé dans les fourrés. Dans mon manteau de nostalgie, je lui ai fait une beauté afin que l'éclatant soleil puisse à loisir bien l'admirer. Du doigt j'ai même dégagé le minuscule déversoir allant vers quelques cressonniers. Alors pour me récompenser de la voix bien ressuscitée, elle s'est mise à chanter pour moi sa douce et tendre poésie. Dans mon manteau de nostalgie, c'est au fond de mes rêveries que j'ai appris où désormais j'irai passer tous mes jeudis. La pénombre m'enveloppait là-bas dans la plaine engourdie, une fumée m'a dit la vie pour dissiper bien des soucis. La lune hilare s'est levée afin de me raccompagner dans mon manteau de nostalgie.